encore si nous t'ayons week-end prolongé. Si vous venez décompressé, levez la main en l'air. Hachement nous qu'il balance, y'a à gauche. À gauche. À droite. À droite. À gauche. À gauche. À droite. Balancez, y'a à gauche. À gauche. À droite. À droite. À gauche. La FM en couleur. En couleur. C'est quand vous trouvez encore, encore, encore. Elle s'appelle Laura, elle nous vient de La Réunion. Elle a sorti ce titre il y a presque un an maintenant, qui caracole en tête de tous les parades. Son nom d'artiste, c'est Calypso. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Il y a plusieurs titres comme ça, comme Mona Lisa, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure. En attendant, eh bien, sur votre dans votre émission préférée, entre 18h et 20h, la musique continue. On va avoir un petit coup de cœur tout à l'heure, vous verrez. En attendant, c'est... C'est aussi un coup de cœur avec DJ Kawes, carrément. C'est une nouveauté sur le 96.2. Allez, 18h-20h, groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je suis solo dans ma life. Bon, j'avoue, c'est pas si mal. C'est vrai que dernièrement, j'ai grave kiffé sur une petite wife. Qui je voudrais faire ma life. J'ai tellement peur de lui faire du mal. Faut que j'arrête de me faire des films. Et que maintenant, je suis mademoiselle, tu es fraîche. Pour toi, j'la fais en French. J'avoue que si je t'aborde, c'est pas pour une histoire de pêche. Quand je te parle la vie de ma mère, y'a pas de mytho. Voilà, je suis franc. J'promets une histoire d'amour, d'aller long avec quelques pêches. Mais chérie, qu'est-ce que tu m'as fait là? En un claquement de doigts, je peux t'être pour toi, oh là là. Mais qui aurait pensé? À la base, ma chérie, je voulais juste m'ambiancer. Copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa. Yeah. c'est Groove Tropical, 18h-20h. Plein les oreilles. Chaque jeudi, entre 18h et 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Petit zouk rétro, tiens, des années 80, je suis sûre que ça va vous rappeler plein de souvenirs. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Pourquoi nous sommes-nous laissés? Pourquoi m'a délaissé? Pourquoi ton cœur a serré? Et pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi? J'ai voulu tellement qu'on me réveille. Quand tu dis que ce n'est pas à vous, que tout ça n'était que rêve. J'ai déjà tellement pleuré. qu'un mauvais souvenir. Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Nous c'est ici. Je suis Dalval. Bonjour. Moi t'es marié, parents pas t'accepter. Relation stable et fais-moi fou. Tricatement chaque jour, m'a divorcé. M'a divorcé. M'a divorcé. Si t'écoutes tes conseils, mamie, attends ça. M'a divorcé. Oui, m'a divorcé. M'a divorcé. Maman t'es parlé. Si t'écoutes tes conseils, mamie, attends ça. Mamie, pas vie, pas moi, pas de l'écouter. Dis-moi ma calculée. Et comprendre c'est si mes secrets. Pour danser dans l'enfer. Senti ma bouffe bagage embée. Moi obligé à aller. M'a divorcé. M'a divorcé. M'a divorcé. Par s'arrêter. Coucou Gabi, fait, ou danser dans l'enfer. Senti ma bouffe à gagne, moi obligé à aller, m'a divorcé. Ma dinina beautiful, beautiful. Stanis, c'est ça. Tu ne devineras jamais ce qui me motive pour toujours à jamais. Oh baby, tout va, oui chez tout bas. Et baiser ça les mais pas effacer. Oh baby, tout va, oui tout va. Allez, nous pas fâcher tout bas. Et baiser ça les mais pas effacer. Tu n'as une follow, pas compte. Zéro photo, pas compte. Tu vas quitter, pas compte. Oublie-moi, ne m'attends pas. C'est Groupe Tropical. Hey. Et c'est Chantal qui vous accompagne. Je ne trouve pas les mots pour te dire tout ce que j'aimerais faire dans l'avenir. Forcément, tu seras les Tout à l'heure, c'est l'un de mes tubes du moment. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeune homme aussi qui s'appelle Johan. Je pense que vous l'avez reconnu. Le titre Pli doux, ça vous met dans cette ambiance. En tout cas, sur le 96.2, 1000 pensées du Coteau de la Normandie. Puisque j'ai eu un petit appel un petit peu marrant quand même. Hein. J'ai eu du mal à me retenir bien sur le 96.2. Bah, je vais décasser ce morceau, c'est décollé et c'est Mewen. 18h-20h, votre émission de groupe tropical. Bâtisse honnête, yeah. Fais-moi savoir ce que tu ressens pour moi. Ce soir, il faut qu'on danse, que tes mains sur mes hanches. Je guide et m'accompagne en nous fussions, on est en 14. Je vais attaquer high, tout au moins du and high. Ma bête, j'aime bien ma folle, mon temps, mon truc à attendre. Son bébé, follow me, no. Pousse tes mains sur mes abdominaux. 96.2. La FM en couleur. es sur la liste, alors je soupire. Je dis que je t'aime, bien je pèse mes mots pour pas te faire fuir. Pas de moi j'en ai plus quand je vois ton sourire. La notif est si fort, j'ai plus sourire. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Mmh.

Les papillons priorité. Et j'aime qui tellement toujours dévoué, toujours qui t'est déplacé, pour y ouer qui j'a frappé. L'argent nécessaire, c'est vrai, c'est pas lui qui j'aime guidé, en là-bas pour la postérité. Le succès est éphémère, mais la gloire est immortelle. Pical, chaque jeudi entre 18h et 20h. Ça fait un bien coup de retrouver d'anciens morceaux comme ça, moi je peux vous le dire. J'ai des images devant mes yeux, là, cet extrait de Best Of, hein, de Sweet Nikki, c'était ouvrir la porte. Dans les barrières, je sais pas. Bah, allez, restez bien calés sur le 96.2 parce que la musique va continuer comme ça jusqu'à 20h. Donc encore une petite trentaine de minutes à passer ensemble. Mais alors là, ça va être que du compas. Bah oui, parce qu'on aime ça chez nous. Et une petite nouveauté avec le groupe Gabel. Et ce serait leur tout dernier album. C'est 16 qui est. Jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est Groupe Tropical. Se pa chanm sak te nan pase Ou mal trete m di respekte M prive m tout kote Mat si sel mon ban Ou ki se lom m ou itilize Ou chèche kote m yon souje M existe Pou met mwen mariage pou toujou Mè kounye ou lè mwen defne Sex friend I'm not your sex friend I'm not your sex friend Ou te fèm senti ou te pouve Vire tourne ou telefone Mane ki chanye Pat chanme la gè Malgré tout sa se pat chanme verite Ou tap mene avè Vreman yon vi kache Tout proje ma vè yon rive gache Ne koun ya ouve mwen Devni sex friend I'm not your sex friend I'm not your sex friend I'm not your sex friend.

chaudière neuf, nous jeter des chaudières. C'est la pas bon par là. Du compas carrément 5 étoiles avec le groupe Harmonique et puis cet extrait de leur tout dernier album, qui s'appelle Maturité. Harmonique est actuellement sur la capitale, je crois, pour plusieurs concerts. C'est la joie. C'est la joie carrément. Jusqu'à 20h, votre émission Groupe Tropical avec le meilleur du compas. Avec tout de suite madame Christiane Balégeau, qui s'est lancée carrément avec ce titre tout près. Ouais. Juste après, on écoutera un morceau de Zinc, mais on fera un grand retour en arrière. Ils sont là beaucoup de moi, fais-moi petite tête-moi, ou contrôle-moi, fais-moi sentir où c'est caché, bon Dieu, par moi, ou contrôle-moi. sa balance. Gade j'en li la kem sans défense. Non si ou vérité, tout sa yo di pa mwen pa. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve jeudi prochain. Même heure, même endroit, pour la même musique, le même son, le même soleil. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Une très très bonne fin de soirée quand même sur Arc-en-Ciel. Et à la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie des frères Martino et de leur papa Roberto pour un superbe titre. Je passe à une douzaine d'années ce titre-là. Mais en tout cas, c'est toujours, toujours un plaisir de l'entendre. Écoutez ça. Ambiance. Bye bye, à jeudi prochain. nous font l'autre bagaille. Font l'autre bagaille pour mon Dieu. Tenez ça, tenez ça. J'ai mon monté le micro ça. Tenez ça, tenez ça, tenez ça. Comissão de inquérito putestativa, o líder do Chega sublinha que é preciso tirar responsabilidades políticas deste caso e critica o que diz ser a reação risível do então secretário de Estado da Saúde. António Lacerda Salles veio hoje a público criticar a inspeção feita ao caso das gêmeas por ter acreditado mais na palavra da antiga secretária do que na sua. O ex-secretário de Estado nega ter dado ordens para a marcação de qualquer consulta. A Direção-Geral da Saúde confirma que há falhas nos estoques de vacinas, mas garante que estão a ser regularizadas. Questionada pela Antena 1, a Direção-Geral de Saúde diz que o Plano Nacional de Vacinação não está em causa. Esta reação surge depois do alerta